Bonjour Ombline, joyeux Noël à vous et joyeux Noël à tous. Je vous propose de passer ce moment de fête en musique à travers l'évocation d'un monstre sacré du dernier siècle, le chef d'orchestre Herbert von Karajan. Et c'est tout naturellement Thierry Geffrotin qui va nous accompagner sur ses traces. Et puis, à la fin de cette émission de Noël, je reviendrai à la demande de Loïc sur les origines de la fameuse bûche de Noël. Mais pour le moment, place à la musique, place au maestro. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ceux qui ont atteint tout leur but les avaient probablement placés trop bas, disait Herbert von Karajan avec cette exigence qui le caractérisait. Il aurait été l'une des personnalités les plus magnétiques, les plus envoûtantes du dernier siècle. Son auréole de cheveux gris, devenu très blanc avec le temps, son regard bleu d'acier qui vous transperçait littéralement, tout ça accentuait ce charisme vif-argent et faisait oublier une taille assez modeste. Quand on avait croisé Karajan, il était impossible de l'oublier. La grande soprano Elisabeth Schwarzkopf le comparait à un chat, raffiné et attirant, disait-elle, mais capable de soudain coups de griffe. 25 ans après sa disparition, le 16 juillet 1989, Karajan reste aussi présent dans la mémoire de ses concitoyens de Salzbourg que Mozart lui-même. Et d'ailleurs, quand vous vous promenez à Salzbourg, vous êtes étonné de voir que dans les vitrines des magasins, la photo de Karajan est presque plus présente que le portrait de Mozart. Karajan, chef à vie de la Philharmonie de Berlin, Karajan, superstar, le seul musicien classique qui ait jamais galvanisé les foules à l'égal d'une icône de rock ou de musique pop. Karajan, passionné par le CD, le DVD, l'enregistrement numérique, il aura incarné la modernité, mais aussi le dépassement de soi, je pense que ça lui était beaucoup plus cher, et pourtant, son legs artistique est tout en mesure, tout en équilibre. Au-delà du musicien, l'homme a souvent défrayé la chronique, mais il faut dire qu'il cultivait le paradoxe. Il vivait en ascète, il recherchait la solitude en pleine nature, il adorait l'alpinisme, vous savez, il nageait tous les jours, il pratiquait le yoga, et même à assez haute dose, et en même temps, il collectionnait les voitures de sport, il pilotait les avions supersoniques, les jets, il barrait lui-même son voilier, amarré généralement à Saint-Tropez. Il avait une dévotion pour la musique, considérait chaque concert comme une expérience mystique, l'expression est de lui, mais en même temps, il administrait un empire discographique et gérait une fortune considérable. Beaucoup lui reprochent aujourd'hui encore d'avoir, dans sa jeunesse, plus ou moins pactisé avec les nazis. Nous verrons ce qu'il faut en penser. Nombreux sont aussi ceux qui font grief à Karajan d'un autoritarisme exacerbé, volontiers hautain. Et dans le même temps, tous ceux qui l'ont côtoyé dans le privé vous le diront. Ils vous vanteront son charme, sa simplicité, cette espèce d'ironie légère qu'il mettait sur chaque chose. 2 ans avant sa mort, j'ai eu la chance d'assister à un concert où il dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'était la 2e et la 4e de Brahms et je n'ai pas oublié le profond silence qui, ce soir-là, s'est emparé de la salle lorsque s'est ouverte la petite porte par laquelle il devait apparaître, courbé par la douleur et la maladie. Il était très atteint au dos à l'époque. Il s'agrippait comme ça de dossier de chaise en dossier de chaise jusqu'à son estrade équipée d'une sellette. Et puis, soudain, il saluait à peine le public, il se retournait vers l'orchestre et avec cette espèce de magnétisme palpable, les bras du maestro se lèvent et se mettent, selon l'expression d'un critique de l'époque, à sculpter la matière musicale. En un demi-siècle d'une sorte de course contre la montre, Herbert von Karajan aura presque tout enregistré, parfois même, pour certaines de ses œuvres fétiches, 3, 4 et jusqu'à 5 fois. Je pense aux symphonies de Beethoven, évidemment, au canon de Pachelbel ou à un requiem allemand de Brahms. En tout, on dispose de plus d'un millier d'enregistrements réalisés sous sa direction. Je vous propose de nous mettre dans l'oreille la transparence de sonorité, le naturel du tempo, l'élégance du legato et l'ampleur générale qui signe le style Karajan. Il est évidemment à la tête du Philharmonique de Berlin et dirige un des chefs-d'œuvre de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra. extraordinaire sonorité de ce philharmonique de Berlin, peut-être le plus bel orchestre du monde. Alors évidemment, nous sommes là en plein répertoire germanique. Strauss avec Beethoven, Brahms et Wagner sont un peu les compositeurs fétiches de Karajan. Et pourtant, quand on lui demandait ce qu'il préférait dans le répertoire, il répondait systématiquement Debussy, spécialement son opéra Péléas et Mélisande, qui du reste il n'a enregistré qu'une fois. Je sais qu'il avait également une vraie tendresse pour l'opéra Carmen. Quand je vous dis que ce Herbert von Karajan était le paradoxe fait homme. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. En cette belle journée de Noël, nous sommes avec vous, Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire de l'incroyable chef d'orchestre Karajan. C'est à Salzbourg, dans la ville natale de Mozart, que Herbert a vu le jour. D'ailleurs, je dis Herbert, mais son vrai prénom, c'était Heribert. C'est lui qui, beaucoup plus tard, enlèvera ce « i » qui le gênait pour devenir Herbert. Nous sommes en 1908, autant dire à l'apogée de l'Empire austro-hongrois. Voilà donc un sujet de plus pour le vieil empereur François-Joseph. On a presque du mal à imaginer aujourd'hui que ce Herbert von Karajan qu'on a connu a pu naître comme ça, dans l'apogée de cet empire austro-hongrois de la belle époque. C'est une toute autre époque, bien sûr. Le 5 avril 1908, Martha von Karajan accouche donc de son second fils. Elle lui donne le jour à domicile. Vous savez, à l'époque, c'était la coutume. On n'allait pas à la clinique ou à la maternité pour donner le jour aux enfants. Elle n'en est pas moins entourée. En effet, les Karajan habitent l'étage noble d'une grande maison au coin de la Schwarzstraße. Et c'est une maison qu'on appelle la maison des médecins, car ils sont plusieurs membres du corps médical à se partager cette espèce d'hôtel particulier de l'Autriche, de tel qu'on l'imagine. Évidemment, c'est ces espèces d'énormes maisons. Le père de Herbert, Ernst von Karajan, est alors directeur d'un hôpital de la ville. Il est spécialisé pour sa part dans le traitement des goitres. Pour nos plus jeunes auditeurs, il faut que je précise ce que c'est. Vous savez, c'est cette maladie qui se manifeste par notamment une grosseur du cou. Et on contracte généralement ce problème-là dans les contrées très enclavées qui sont éloigné de l'iode marin, tout simplement. Donc, je ferme cette parenthèse, Ernst descend de toute une lignée de négociants d'étoffes grecques. Quand je dis grec, d'ailleurs, pour être tout à fait exact, ce sont des Macédoniens au départ. C'est un homme rigide et exigeant, sans doute beaucoup plus que mélomane, et cependant, lui-même joue à ses heures perdues dans l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg. Il est clarinettiste. Ça, c'est une des particularités des Allemands et des Autrichiens. Dans tous ces pays germaniques, on a presque la musique comme seconde nature. Il est tout à fait naturel dans presque toutes les familles qu'on joue au moins d'un instrument. Ce père n'aura de cesse que ses enfants en fassent autant, qu'ils se spécialisent eux-mêmes dans leur instrument de prédilection. Et si Herr von Karajan est la rigueur incarnée, Frau von Karajan, son épouse, ne respire pas vraiment non plus la fantaisie. Mais elle aussi est mélomane. Elle voue notamment, comme son propre père avant elle, une véritable passion à Richard Wagner. Je me permets de vous rappeler qu'on est, au moment de la naissance de Herbert, on est en 1908. C'est la grande période de frénésie wagnérienne à travers l'Europe. Il fait bon aimer Wagner d'une certaine manière. C'est très très à la mode à l'époque et évidemment à Salzbourg plus qu'ailleurs. Un père mozartien pratiquant, une mère wagnérienne avertie, comment voulez-vous que le jeune Herbert passe à côté de sa vocation ? Il est vrai que son frère aîné, qui s'appelle Wolfgang, rien que ça, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, vous avouerez que ça ne s'invente pas, Wolfgang n'est pas très doué pour le piano. Alors, à la fin de sa vie, le maître, lorsqu'il donnait des interviews en rafale pour les magazines musicaux du monde entier, racontait volontiers l'anecdote du petit Herbert caché sous le piano pendant les leçons laborieuses que l'on prodiguait à son frère. Il a raconté ça, moi je l'ai entendu au moins 10 fois à la télévision. En fait, dit-il, c'est lui qui tirait toutes les leçons, tous les bénéfices en tout cas des leçons qu'on donnait à son frère. Donc le frère essayait de se repérer comme il pouvait sur le clavier et sur les partitions, et c'est le petit qui était trop petit pour recevoir les cours qui se trouvait sous le piano et qui lui avait déjà tout compris. Ce qui fait qu'évidemment, le jour où on l'a assis pour la première fois devant un piano, eh bien, il s'est mis à jouer presque comme s'il avait pris lui-même les cours. Ça avait évidemment estomaqué sa famille. famille. À 4 ans, il connaît toutes ses gammes. À 7, il est un interprète déjà doué. Alors, est-ce qu'on peut parler d'enfant prodige? C'est la question que je vais poser tout à l'heure à Thierry Geffrotin, parce qu'évidemment, elle se pose cette question. Ce qui est sûr, c'est que si le talent d'Herbert a été précoce, et s'il a fait la fierté de ses parents, sans aucun doute, il n'a pas dépassé pour autant le cadre du salon familial. Herbert, il faut le préciser tout de suite, joue aussi de l'orgue. Et plus tard, il avouera avoir pris beaucoup de plaisir à jouer avec la puissance et aussi avec la modulation de cet instrument. Comme si déjà, le charme d'expression du piano était un petit peu étroit, un peu étriqué pour lui. Il lui fallait davantage de chant et d'ampleur. Alors, l'orgue, c'était très bien. L'orchestre symphonique, c'est nettement mieux. L'orchestre philharmonique, là, c'est le rêve. Quand on est en 1908, on ne peut qu'être marqué dès l'enfance par la guerre, évidemment. L'assassinat de l'héritier de l'Empire, l'archiduc François Ferdinand, et l'enchaînement dramatique qui s'ensuit vont surprendre Frau von Karajan et ses enfants à Fassano, sur l'Adriatique, où ils sont en vacances. Alors, que fait-elle, cette mère de famille? Eh bien, dans un premier temps, elle hésite un peu, et puis elle comprend que ses enfants ne seront nulle part plus en sécurité qu'à Salzbourg, et la petite famille finit par rentrer au bercail. En 1918, ça veut dire que le petit Karajan a déjà donc 10 ans, ses parents organisent de modestes concerts de piano où il se produit devant un public qui est encore limité mais déjà conquis. N'allez pas croire pour autant qu'il devienne un de ces enfants casaniers obsédés par l'instrument. Pour Herbert, il y a une vie en dehors du piano, notamment à Grundlsee, en Styrie. On est là à une soixantaine de kilomètres de Salzbourg, on a l'impression d'être dans un film de Sissi, vous savez. C'est là que son grand-père a fait bâtir une belle maison de vacances. Les enfants y font du sport, ils s'initient à l'alpinisme et même dans le cadre de la musique, le jeune Herbert est un garçon qui transgresse les frontières de l'interprétation, si je puis dire. Il va s'intéresser très tôt à la composition, puis à la direction d'orchestre. C'est presque un besoin chez lui. Encore une fois, je vous dis, il faut repousser les limites. Ici intervient un personnage incontournable, une de ces bonnes fées qui presque toujours jalonnent le parcours des grands hommes. Cet initiateur, et nous en parlerons dans un instant avec mon invité, s'appelle Bernhard Baumgartner. Il est le patron du Mozarteum et c'est lui qui va prendre le jeune Karajan sous son aile. C'est lui qui enrichit la culture des deux frères, d'ailleurs, il faut le dire, notamment au cours d'un séjour en Italie où il les guide. Et c'est là que va s'épanouir cette latinité que Karajan tient peut-être de ses ancêtres macédonien et même sans doute, mais qu'il n'aura fait que développer pendant l'adolescence. Et ça, ça va jouer un rôle absolument déterminant par la suite. On parle toujours du rubato de Karajan, on en dira un mot aussi tout à l'heure. C'est sans doute de là que cela vient. N'oubliez pas pour le reste que nous sommes tout de même dans cette ville de Salzbourg, encore tout imprégnée de Mozart et de son souvenir. En 1920 est inauguré le Festival de Salzbourg. Il faut vous dire que dès 1877, Hans Richter y avait amené le Philharmonique de Vienne. Et puis, en 1927, on inaugure la grande salle du Festspielhaus. Et ça, ça va être la grande salle de concert de l'Autriche de l'époque, évidemment. Herbert von Karajan, toute sa vie, sera fasciné par les salles de concert. Et moi, on ne m'enlèvera pas d'idée que c'est parce qu'il a assisté à des représentations et à des concerts très tôt dans cette salle du Festspielhaus qu'il a eu comme ça cette passion, parce que je crois que le mot n'est pas trop fort, pour les salles de concert. On était capable de lui faire 250 km en voiture uniquement pour voir une salle de concert qu'il ne connaissait pas. C'était vraiment une passion. Les premières qu'il ait connues, c'était des salles anglaises mythiques comme le Royal Albert Hall, évidemment. Il faut vous dire qu'à l'âge de 16 ans, il avait suivi à Londres son frère aîné afin de perfectionner son anglais. C'est pour ça que je dis « évidemment ». Autre date clé, c'est en 1925 que le jeune homme va donner son premier vrai concert public dans la salle du Mozarteum. Il y interprète une pièce de virtuosité au piano, une pièce signée Liszt. Plus tard, une tendinite lui interdira ce genre de tour de force. La tendinite va devenir chronique, elle va jouer un rôle décisif dans son choix d'abandonner le piano. Est-ce que, s'il n'y avait pas eu cette petite maladie, Karajan aurait pu devenir un virtuose du piano? C'est possible. On l'a vu diriger d'ailleurs parfois depuis le piano, mais ça n'était pas très fréquent chez lui. En attendant, Herbert a commencé des études au conservatoire du Mozarteum. Ses parents sont un petit peu mitigés. Ils se demandent s'il ne serait pas plus raisonnable qu'il assure son avenir en suivant au moins des études d'ingénieur. Et c'est là que Baumgartner intervient. Herbert ira à Vienne pourquoi faire? Bah, ça, c'est pas encore tout à fait clair à l'époque. En 1926, il a 18 ans. Le voilà, en tout cas, à l'université de Vienne. Il a intégré le conservatoire et d'emblée, il s'y fait remarquer par son incroyable charisme. Europe 1, au cœur de l'histoire. Merci. La hotte de Noël, Europe 1. Et c'est le dernier jour pour jouer à la hotte de Noël, alors profitez-en et dites-nous un peu ce qu'il y a dans cette hotte aujourd'hui, Ombline. Eh bien Franck, nous proposons à nos chers auditeurs de jouer pour tenter de gagner un smartphone et un assortiment de 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges, comprenant un ballotin, des truffes, des écorces et les célèbres Juliettes. Pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe Noël, N-O-E-L, par SMS au 7-39-21, 65 centimes hors coût du SMS, ou appelez le 39-21, 34 centimes la minute. Nous annoncerons le nom du gagnant ou de la gagnante. À la fin de l'émission, il n'y en a pas deux comme elle, de Marion Cucchieri. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire sur Europe 1 et au cœur de la musique en cette journée de Noël. Vous continuez, Franck, de nous relater la vie du chef d'orchestre autrichien Karajan. Que pensent ses camarades de l'université de Vienne? Ils trouvent que c'est un garçon solitaire, poli, souriant, pas très liant en vérité. Il n'a pas le contact facile. Il est très beau, le front haut, la taille cambrée. On a toujours l'impression qu'il est un petit peu à la recherche de quelque chose, comme s'il était relié à un autre monde. Comme tous ses camarades du conservatoire, il passe beaucoup de temps dans les concerts et surtout aux répétitions. Le grand chef du moment à Vienne, c'est naturellement Furtwängler. Furtwängler, dont on va reparler dans un instant avec Thierry Geffrotin, qui a joué un rôle absolument essentiel dans sa formation, bien entendu. Le 17 décembre 1928, Herbert von Karajan termine ses études de direction d'orchestre par un concert qui est donné devant ses pairs. Et le 22 janvier suivant, alors qu'il est de retour à Salzbourg, il dirige l'orchestre du Mozarteum. À la sortie, il croise le régisseur de l'opéra municipal d'Ulm, qui s'appelle Dietrich, et qui lui dit « Mais vous êtes incroyable, mais j'ai jamais entendu quelqu'un comme ça, il faut absolument que vous veniez à Ulm. » Il lui propose de venir y commencer sa carrière. Et en vérité, Ulm n'est peut-être pas une destination très prestigieuse, mais Karajan se dit que c'est très bien pour commencer. Et il va y rester 5 ans. De 1929 à 1934, c'est là qu'il prend ses marques, c'est là qu'il fait ses gammes, si j'ose dire, ses gammes de chef d'orchestre en tout cas. Et déjà, c'est là qu'il se fait remarquer par ce qu'il est capable de faire sortir d'un orchestre pourtant réputé comme moyen. Tous ceux qui ont vu travailler un grand chef savent à quel point il peut transcender une formation et tirer d'elle le meilleur, que dis-je, tirer d'elle ce qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir donner. Je vous propose d'écouter un enregistrement ancien de l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner sous la baguette du tout jeune maestro. Un mot de cette représentation fameuse du 2 juin 1939 en présence de Hitler et du prince Paul de Yougoslavie. Ce soir-là donc on donne les maîtres chanteurs, l'opéra préféré du Führer. Il se trouve que le rôle de Hans Sachs était tenu par Böckelmann. Böckelmann c'était le chanteur favori d'Hitler. Or celui-ci se trompe dans son rôle. Karajan ne fait rien pour dissimuler la chose, il n'aidait pas toujours les chanteurs, il faut le dire. Et comme lui-même dirigeait à son habitude sans partition, Hitler furent Durieux accuse le jeune chef de s'être trompé et d'avoir induit le chanteur en erreur. C'est lui qui l'a fait tomber, dit-il. Alors, il faut replacer l'anecdote, encore une fois, dans le contexte de cette guéguerre assez pitoyable au sommet du Reich entre les partisans de Vienne et de Furtwängler d'un côté et les partisans d'Aix-la-Chapelle et de Karajan de l'autre. On va venir sur toute cette période extrêmement troublée, bien entendu, dans un instant avec Thierry Geffrotin. On est là en pleine guerre, bien entendu. Alors, au sortir de cette guerre, tous les artistes qui ont servi le Troisième Reich, dans cette période d'immédiate après-guerre, vont connaître une traversée du désert, évidemment, en attendant ce qu'on appelait alors la dénazification, c'est-à-dire le brevet de respectabilité sous condition que l'on accordait à ceux qui pouvaient prouver qu'ils n'avaient pas activement pactisé avec le diable. C'est le cas de Karajan et, disons-le, sa dénazification a été très rapide. Voilà ce qu'il déclarait en mars 1946 devant un tribunal autrichien. Et ça va exactement dans le sens de ce que dit Pierre-Jean Rémy dans sa belle biographie. Je cite Herbert von Karajan. « Nous, les artistes, vivons dans un autre monde, un monde en soi. Sinon, il n'aurait pas été possible de faire de musique comme je l'ai fait. La musique était la chose la plus importante et même la seule chose qui ait vraiment compté pour moi. » Certes, en 1946-1947, Karajan est interdit de direction en public, mais on l'autorise en revanche à enregistrer des disques. Et c'est là qu'intervient une autre bonne fée. Je veux parler de Walter Legge, un Anglais d'origine allemande. Il est l'homme du disque, hein, c'est lui qui, par un jour enneigé de janvier 1946, va révéler à Karajan ce qui va déterminer toute la suite de sa carrière. La révolution musicale de la seconde moitié du XXe siècle sera celle du disque. Le disque doit désormais primer sur le concert. Ce langage, non seulement Karajan peut le comprendre, mais il le fait sien, il va même le radicaliser. Il va devenir pour plus de 40 ans l'homme du disque et de la diffusion de la musique au plus grand public. Et quelques-uns des grands enregistrements de Karajan datent de cette immédiate après-guerre. Alors en 1948, la sanction contre lui est enlevée. Il ne reprend pas moins les concerts à la tête notamment de l'orchestre symphonique de Vienne. Dans ce tournant des années 50, quand le système Karajan se met en place, on parle d'un véritable système Karajan, on va voir ce que ça veut dire, notamment pour les opéras. On travaille en studio en vue de l'enregistrement, on enregistre, de sorte qu'au moment des répétitions, l'orchestre est déjà parfaitement rodé, on peut travailler avec les chanteurs sur disque et on les pousse au meilleur niveau, ce qui fait que la représentation ensuite n'est plus qu'une tentative d'égaler l'enregistrement. Vous imaginez pourquoi les spectateurs dans la salle sont tout simplement ébahis par ce qu'ils entendent. Ils découvrent un opéra chanté et joué comme ils ne l'avaient jamais entendu jusqu'ici. Si, c'est très rodé, très précis, très efficace et évidemment très rentable. Je ne vous ai pas encore parlé des mariages de Karajan, on va y venir dans un instant. Juste avant la guerre, il avait épousé une chanteuse d'opérette qui s'appelait Elmy Holgerlöf, mais leurs amours ne durent pas longtemps. Un peu plus tard, en 1942, il va épouser une jeune héritière, Anita Gütermann, qui du reste avait du sang juif. Ce mariage-là va durer 16 ans. Je vous dirai un mot tout à l'heure de son troisième mariage en 1958 avec une Française que nous saluons. Or, la grande aventure amoureuse de la vie de Karajan, ce sera sa liaison houleuse mais tellement féconde avec la Philharmonie de Berlin, une formation un peu particulière, autogérée, démocratique mais qui, c'est ça qui est assez étonnant, qui ne va pas moins l'élire en 1955 chef à vie. C'est vrai que c'est une drôle de démocratie qui élit des chefs à vie. On possède deux films assez extraordinaires. L'un de 1965 avec l'Orchestre Symphonique de Vienne, l'autre de 1966 avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, des films réalisés par Henri-Georges Clouzot et qui nous montrent Karajan travailler, répéter, diriger à l'apogée de son art. Il faut dire que lui-même attachait beaucoup d'importance à la façon dont on filmait ses prestations. Vous savez qu'il avait un photographe attitré qui s'appelait Friedrich Lautervasser et qui était seul à avoir le droit de le filmer de près pendant les représentations. Et alors, lorsque pour la télévision un concert, et souvent c'était des concerts en studio était filmé, il se mettait lui-même à la console de régie et il décidait des caméras. Cet homme voulait tout décider, tout contrôler. C'est peut-être pour cela que nous avons gardé de lui une image encore si nette. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Franck. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai survolé la carrière du maestro Karajan de très haut, comme il le faisait lui-même avec ses jets. Avec vous, nous allons revenir sur un certain nombre de détails. Thank you. les cordes de soie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin qui interprète cette quatrième symphonie de Brahms, que j'ai donc eu la chance d'entendre, moi, dirigée par Karajan. Ça, c'est un souvenir extraordinaire. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il dirigeait sans baguette. Hein. C'était vraiment ses mains, comme si on voyait un sculpteur devant un tas de glaise. Et alors, il sculptait comme ça. Et ce qui était tout à fait extraordinaire, c'est la façon qu'il avait de, ne serait-ce que du bout du petit doigt, de lancer un instrument, ou au contraire, de freiner les uns, d'accélérer les autres. C'était tout simplement extraordinaire. On assistait à un spectacle qui était presque autant, il faut le dire Thierry Geffrotin, presque autant un spectacle de mime qu'un concert de musique. Ah oui, tout était contrôlé. Alors la musique, bien sûr, mais le visuel aussi. Vous disiez magnétisme, Franck. On aurait pu dire, mais c'est Karajan, maniérisme. Mais on ne le dit pas. C'est un du petit peu magnétisme. Quand même. Oui, oui, oui. Et en effet, il faut avoir vu, on peut voir ça sur Internet, libre de droit, les films avec Clouseau. Parce qu'on se rend compte de ce que c'est que de filmer un concert. Il y a aussi des répétitions d'ailleurs qui ont été filmées. Et là, c'est des leçons, 50 ans après, ce sont des leçons pour les metteurs en scène. Hein. En 2008, pour le centenaire de Karajan, est paru un DVD extraordinaire où c'était des émissions pour la télévision allemande où on le voit donner des cours de direction d'orchestre. C'est éblouissant tout simplement. On a l'impression en écoutant et en regardant ça qu'on pourrait diriger un orchestre. Je dis bien, c'est une impression, mais on a l'impression. Hein. Mais c'est toujours ça avec les interprètes géniaux et les instrumentistes, c'est le cas. Quand ils jouent pour les pianistes, quand on voit jouer des œuvres invraisemblables, on a l'impression que ça tombe sous le sens et qu'on pourrait jouer nous-mêmes. Évidemment non. Alors, ce personnage, évidemment, et disons-le tout de suite, et on va peut-être régler cette question-là, si vous le voulez Thierry, avant de revenir sur un certain nombre de ses grands enregistrements et de ce qu'il a apporté à la musique, parce que c'est ce qui nous intéresse, bien entendu. C'est d'abord et avant tout un personnage controversé. Moi, quand j'étais adolescent, vous aurez compris que j'étais un grand fan de Karajan, je suivais absolument tout ce qu'il faisait, etc. Mais je me rappelle que j'avais des camarades qui, au contraire, ne pouvaient pas le voir en peinture, le traiter de tous les noms, et évidemment, notamment de celui de nazi, ce qui est complètement aberrant quand on connaît le personnage, il était tout sauf nazi, mais disons-le, il avait eu sa carte au parti, même à deux reprises en fait. Oui, il l'a eu, mais il y a un mot qui va tout expliquer, c'est ambition. Voilà. Une fois qu'on a dit ce mot-là, on a tout compris pour Karajan. Vous parliez de Ulm, où il a eu son premier poste, il a dit qu'il aurait été prêt à tuer pour avoir ce poste. Alors, soit dit en passant, c'était quand même un opéra de troisième zone avec un orchestre de quatrième zone. Donc, vous voyez... Dont il a fait un orchestre national, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Mais cet homme-là, il était habité par l'ambition. Voilà. C'est, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout compris. Alors, puisqu'aujourd'hui, c'est la naissance du fils du dieu des chrétiens, je dirais que Karajan, c'est un demi-dieu. Enfin, les latinistes me comprendront. C'est un demi-dieu, Karajan. Vous connaissez cette histoire qu'on a beaucoup racontée il y a quelques années. Elle est peut-être un peu réchauffée maintenant, mais bon, je ne n'existe pas. Ce sont quatre grands chefs de l'époque, on est dans les années 70, hein, qui sont en train de parler. Alors, Karl Böhm dit, mais quel triomphe, vous vous rendez compte, moi j'ai dirigé trois opéras à trois soirs d'écart dans les trois plus grandes salles d'Europe. Et à ce moment-là, Bernstein arrive et dit, mais messieurs, permettez, moi je compose la musique que je joue. Et à ce moment-là, Gullini dit, eh bien moi, Dieu m'a dit, et Karajan dit, moi je n'ai rien dit. Voilà, c'est... Der Goddengotten, on l'appelait. Exactement. Hein. Et pour revenir à ce que vous disiez sur cette espèce de, comment on va qualifier ça, parfois de haine, il y avait de la haine contre Karajan. Mais un homme à qui tout réussit, bon, qui est beau, ça faut le dire, hein. C'était comme il avait un regard, une beauté, absolument un regard, musicien, cela va sans dire. Cette carrière d'homme d'affaires liée à la musique, il contrôlait tout, richissime. Mens sana in corpore sano, c'est-à-dire qu'il fait, voilà, il faisait du ski, il faisait de la moto, il faisait de l'alpinisme, il pilotait des avions. Cet homme-là, il suscite évidemment de l'admiration, mais aussi de la jalousie, voire de la haine. Et évidemment. Et puis alors, il était depuis 1955 chef à vie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses relations avec les musiciens berlinois étaient houleuses. Alors il faut dire une chose aussi sur cette nomination à vie, parce que c'est facile de dire, mon Dieu, mégalo, totalement mégalo. Mais lui, il dit, moi, je veux maintenant, j'offre ma vie à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, il est normal que l'orchestre s'offre à moi de la même manière. C'était une espèce de parallélisme des formes. Il n'était pas en train de dire, voilà, je suis chef à vie, puis je vais aller cachetonner à droite et à gauche. L'Orchestre Philharmonique de Berlin, c'était devenu, oui, vous l'avez dit, son amour, sa passion. Alors, il y a eu des périodes presque de divorce. Hein. Il est même venu s'installer à Paris à une époque, hein, dans les années 60, il dirige l'Orchestre de Paris. Il y a eu des éclipses, on va dire. Mais ce qui est étonnant, c'est que les musiciens du Philharmonique de Berlin reconnaissait que Karajan les exaspérait parce qu'il leur demandait des conditions impensables, il les faisait répéter, il changeait parfois le programme d'un concert à 2 jours de distance, enfin tout ça était compliqué. Et en même temps, je crois qu'il l'admirait vraiment et qu'aujourd'hui il le regrette. Hein. Aujourd'hui encore, il a laissé une forte nostalgie à Berlin, il faut le dire. Simon Rattle, qui dirige aujourd'hui l'orchestre, a imposé sa patte. Il y a quand même, il y a une personnalité, c'est un très grand chef. Oui. Mais je pense que la grande période contemporaine, c'est quand même Karajan, parce que, on va en parler sans doute, mais il a accompagné le développement tout d'abord du 33 tours, de la stéréo, ensuite du disque compact. Il a fait quand même enregistrer l'orchestre par des télévisions, des films, etc. L'orchestre lui doit beaucoup. La Philharmonie de Berlin, où il enregistrait avant de donner les concerts. Enfin, l'orchestre lui doit beaucoup aussi. Il faut dire un mot de cette salle, parce que lui qui avait la passion des salles de concert, il s'était fait une salle sur mesure, on va dire, avec l'intervention d'un certain nombre d'amis très fortunés. Et cette salle avait la forme d'un pentagone, ce qui fait que c'est une des rares salles de concert au monde où vous pouvez voir le chef d'orchestre de face, en fait. Et ça, c'était quelque chose. Alors, je crois que Karajan a bénéficié, mais des guillemets, de la guerre froide de Berlin, de l'Allemagne de l'Est et de Berlin-Ouest. Parce que d'avoir un orchestre à Berlin-Ouest avec un chef de la stature d'Herbert von Karajan, c'était un pied de nez, c'était une manière de dire à l'Est, vous avez vu ce que l'on a. D'ailleurs, il y a un autre exemple, c'est le RIAS, le chœur de la radio berlinoise, qui est une création voulue par les Américains pour dire à l'Est, mais la culture, c'est nous aussi et c'est nous surtout. Les relations de Karajan avec l'orchestre étaient des relations donc ambiguës. On entend dire qu'il était colérique, compliqué, etc. Et à chaque fois qu'on voit des films, des témoignages, etc. sur les répétitions, il a l'air au contraire d'une douceur, d'une extrême précaution. On a presque l'impression qu'il regarde chaque instrumentiste comme un morceau de cristal. C'est assez étonnant. Je vous propose d'écouter une archive. C'était en 1988 pour son 80e anniversaire, donc à peine un an avant sa mort. Il était au micro d'Alain Duhaut, qui lui demandait justement comment il gérait ses relations avec l'orchestre. En fait, dans un orchestre, c'est un ensemble de tensions qui sont liées dialectiquement les unes aux autres. Et ça, vous tâchez de reproduire. Ouais. Mais ça, c'est un grand travail et on a besoin d'un film aujourd'hui, une symphonie. Ça coûte 1 million de marks. C'est tout le problème. Mon Dieu, non. Pour ça, on travaille. Oui. Est-ce qu'il vous arrive, de temps en temps, de sentir dans l'orchestre un musicien qui a peur devant une attaque difficile, devant un trait? Est-ce que vous le sentez et qu'est-ce que vous faites pour... Oui, énormément. Par exemple, s'il devient court du souffle, ça, je le sens tout de suite. Et c'est un mouvement avec la main, je suis peut-être un peu plus vite pour lui aider. Et il vient après, il dit merci, pas de quoi, nous sommes là pour faire les choses bien. Et donc là, vous le sentez toujours à l'intérieur de l'orchestre. Non, vous savez, ça c'est une chose. Avec un orchestre, j'ai beaucoup de commun avec un bateau. Alors on a un sentiment de communauté qui est exactement la même chose. Ah, et c'est là. Du même type que le sentiment. Et il devient encore mieux qu'il pensait. Ce sont des grandes jouissances, là, vous savez, si on a le contact humain avec ces gens, qui naturellement font une chose, c'est pour un Français, c'est assez difficile. Ce qui est un petit peu difficile, c'est de toujours bien comprendre. L'archive n'est pas très bonne, mais c'était intéressant d'entendre. Mais il parlait français remarquable. Ah oui, il parlait français absolument couramment. Je me rappelle une interview qu'il donne à Suzanne et Peter Fremke dans leur film Karajan in Salzburg, où il dit que là il compare l'orchestre à un bateau, et il parle d'un sentiment de communauté. Et dans cette autre interview, il comparait l'orchestre à un cheval et le chef à un cavalier. Il disait, quand on arrive devant l'obstacle, c'est pas le cavalier qui saute l'obstacle, c'est bien le cheval, mais c'est le cavalier qui donne l'impulsion. Et alors, il avait aussi une métaphore sur les alpinistes, parce qu'il disait, quand vous dirigez des œuvres majeures avec des orchestres majeurs, vous êtes comme un alpiniste sur le sommet, au plus haut sommet, vous découvrez la majesté du paysage et vous ne pouvez pas redescendre. Et voilà pourquoi aussi il aimait, cette ambition de la musique, parce qu'il n'y avait pas que l'ambition de la carrière, c'est qu'il voulait aussi que la musique soit magnifiée. Oui, tout à l'heure, je n'ai pas relevé quand vous avez employé le terme d'ambition, mais cette ambition a tous les sens du mot. Il y a une ambition de carrière incontestable, mais il y a aussi l'ambition de faire toujours mieux, d'aller plus haut, de monter. De... j'ai dit hein, cette toute première phrase pour ouvrir cette émission, mais qui dit tout le personnage, en fait. Hein, puisque, ceux qui ont atteint leur but... Ceux qui l'avaient fixé trop bas. Trop bas, ceux, oui. Ceux qui ont atteint tout leur but les avaient probablement placés trop bas. Voilà la citation exacte. C'est quand même incroyable. Oui, oui, pour lui, il n'y a pas de minimum syndical. Il n'y a qu'un maximum. Ça. Alors d'ailleurs, vous prononcez un mot qui pose problème, parce qu'on sait que les orchestres, notamment germaniques, sont très très régulés et que les syndicats sont puissants. Et alors ça le mettait dans des colères. Quand il avait décidé qu'on répète jusqu'à 23 heures, il ne fallait pas s'arrêter. Ah oui, alors ce qu'il n'aimait pas, c'était, disait-il, la bureaucratie. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour lui, l'art se moque de tout ça. Évidemment, c'est compliqué à expliquer à des musiciens qui ont des services bien cadrés, bien structurés, avec des... on commence à telle heure, on finit à telle heure. Mais c'est en cela d'ailleurs que travailler avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, c'est pas que c'était plus simple. Mais il y avait une manière de compréhension, parce que vous l'avez dit, c'est un orchestre démocratique, autogéré. Il y a des représentants de l'orchestre qui sont au contact du chef. On choisit les œuvres avec le chef. Enfin, c'est quelque chose, hein, cet et puis, orchestre. Hein. C'est notre amie Eve Ruggieri qui raconte ça, et avec beaucoup d'humour. Elle dit il y avait tous les Herr Doktor autour. C'est-à-dire que quand on avait rendez-vous avec Karajan, que ce soit à Salzbourg ou à Berlin, on arrivait, il y avait tous les... Et les avocats. C'est ça, des espèces de... Alors, on les appelait les doctors, mais c'était donc des conseillers, on va dire. Des... Oui, mais il avait une armée, comme ça. Armée. Il était en... Parce que lui aurait pu se défendre tout seul. Hein. Quand il a créé le festival de Pâques, on disait qu'il s'occupait de tout, il régentait tout. Et un critique munichois a dit, s'il avait pu placer le public et déchirer les billets à l'entrée, il l'aurait fait. Donc il voulait tout gérer, mais à un moment, il avait besoin, en effet, d'être entouré par des hommes de l'art. Appelons-les comme ça. Au moment du concert du Nouvel An à Vienne, il est de tradition qu'au moment de la marche de Radetzky, tout à fait à la fin du concert, le chef se retourne vers la salle, dirige la salle. Eh bien, Karajan l'a fait plusieurs fois et on voit qu'il y prend un vif plaisir. Enfin, il arrive même à diriger le public. Ce qui fait qu'un chef d'orchestre est historique, Thierry Geffrotin. C'est compliqué à dire. On a toujours l'image, la figure quasi tutélaire de Wilhelm Furtwängler, qui était le grand chef allemand, bien entendu. Eh bien là, vous m'amenez à trouver la réponse, parce que c'est un très grand chef, Wilhelm Furtwängler. Et pourquoi il n'est pas resté dans l'histoire, pourquoi dans la rue quand on dit Karajan, ah oui, et pourquoi pas Furtwängler? Ben parce qu'il fallait diffuser la musique. Or, l'époque de Furtwängler, il est né en 1886 et mort en 1954. On comprendra qu'il est né à une époque où le disque, c'était plutôt le 78 tours quand on enregistrait. Et on a des enregistrements de Furtwängler, mais assez peu finalement. Alors que Karajan, qui est une génération derrière, il a bénéficié de toute la technologie. Et écouter Furtwängler aujourd'hui, bon, il y a des disques, hein, mais ce n'est pas la même chose que Karajan. Donc historique, c'est ça, technique. Il y a des peintres qui ne sont célèbres qu'après leur mort, bien entendu. Oui. Alors que bien souvent, ceux qui ont été les gourous de leur temps finissent dans les oubliettes de l'histoire. Ça n'est pas le cas en musique. On a plutôt l'impression presque du contraire, d'une certaine manière. Oui, alors je me dis que peut-être que le temps de Furtwängler n'est pas encore venu. Voilà, peut-être qu'on va y revenir, de même que, voilà, il y a Klaus Kleiber. Enfin. Oui, Ferenc Frickscheid, enfin, des musiciens, des chefs, en l'occurrence. Leur temps vont revenir. Mmh. Oui, c'est une question de cycle, sans doute. Enfin, si on devait citer deux très grands chefs du XXe siècle, on dirait Toscanini et Karajan, apparemment, hein, qui sortent de notre bouche. Moi, j'ajouterais Nicolas Sarnoncourt. Oui, bien sûr, dans une période plus récente. Voilà, pour d'autres raisons un peu révolutionnaires, on va dire. Alors, on a parlé du caractère hyper technologique de Karajan, de sa volonté de tout maîtriser, de s'entourer d'une véritable cour à sa dévotion, il faut quand même le dire. Oui, on peut parler de cour. Hein, c'est assez étonnant. Il y avait chez lui la volonté d'aller dans la maîtrise à un tel point qu'il est devenu même metteur en scène, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ah, mais, Metteur en scène, même si ce n'est pas là qu'il a le plus brillé, il faut bien le dire. Non, je pense qu'il était d'un classicisme qui devait horrifier même les spectateurs qui ne cherchent pas l'innovation. Alors il disait, il disait, ça on peut être sûr, qu'il connaissait les œuvres à l'intérieur, au plus profond des œuvres. Donc il disait, je peux les mettre en scène moi-même, et un metteur en scène, il ne fait que survoler, il ne comprend rien, hein, pour faire simple. Le metteur en scène, lui, ne comprend rien, alors que moi, comme je travaille connais ses œuvres depuis des années, que je les possède musicalement, je connais les structures, je sais de quoi ça parle et je sais comment mettre en scène. C'est sans doute vrai théoriquement, mais en effet, pratiquement, artistiquement, je pense qu'il y a un peu loin de la coupe aux lèvres. Alors physiquement, il était assez spectaculaire, même il n'était pas grand, il faut bien dire ce qu'il est, assez mince, mais alors cette crinière blanche, ses yeux, ce regard bleu d'acier dont Elisabeth Schwarzkopf disait que lorsqu'il vous avait traversé une fois, vous ne pouviez plus l'oublier. C'est vrai que c'était assez spectaculaire, bien entendu. Il a été malade assez tôt et cette affection de la colonne vertébrale, ses problèmes de dos sont devenus son pire ennemi dans sa carrière. Il a souffert le martyr. Je pense que les dernières fois où on le voit diriger, il est sans doute soulagé par la médecine, mais pour lui, la musique est toujours cette ambition, l'ambition de la musique, pas seulement l'ambition pour lui, et je pense que c'est un effort surhumain. Il faut regarder, parce qu'on peut les voir, il y a des captations à ce moment-là, en 87-88, c'est pour lui difficile. Même le fameux concert de 87 du Nouvel An à Vienne, je pense que il est déjà très malade. Oui, et il avait, pour l'aider pendant toute cette période, sa troisième épouse à ses côtés, qui est française du reste. Oui, qui est française, Elliette, sublime femme, jeune mannequin de 17 ans qu'il rencontre d'abord à Saint-Tropez, qu'il va revoir à Londres. Il y a comme ça des espèces de hasards qui relèvent un peu de la magie. C'est la jet set, quoi. C'est une espèce de mise en scène, mais même pas. C'est tout à fait le hasard. Ensuite, elle assiste à un concert qu'il dirige et en effet, elle deviendra la troisième Madame Karajan. Vous l'avez interviewée au micro d'Europe 1, Thierry Geffrotin. Je vous propose d'écouter Elliette von Karajan. Je pense qu'Herbert était un grand timide, mais c'était une personne qui avait un cœur très très grand et énormément de compréhension pour les êtres humains qui avaient des problèmes et qui était toujours là si on avait besoin de lui. Donc cette espèce de proie dont vous parlez, vous voulez en parler, je crois qu'il se préservait lui-même parce que il était un grand timide et il s'exprimait dans sa musique. Il avait toujours le temps pour la famille et pour mes enfants, pour moi. Il a eu beaucoup de patience avec moi aussi. Mais c'était un être très, très sensible et très généreux et un génie, comme vous le savez. Oui. Quel père était-il ? Il était très patient avec mes filles, mais aussi exigeant. Et il demandait une grande discipline, mais tout se passait avec amour, donc c'était facile. Aimant et exigeant. Voilà, c'est le cas. Jusqu'au bout, il a jamais pensé à se mettre en retraite. il allait de l'avant toujours. Et plus c'était difficile, plus il allait de l'avant. Et puis il souffrait beaucoup les dernières années, mais avec beaucoup de dignité et de grandeur. De quoi a-t-il le plus souffert à la fin de sa vie ? De la maladie ou de la campagne de presse qui évoquait son attitude pendant le nazisme ? Mon mari ne lisait pas ce genre de critiques. Il avait sa musique et il se retrouvait, même par ces douleurs incroyables qu'il a eues à la fin de sa vie, eh bien, je crois que cette musique l'a beaucoup aidé. Il voyait les choses positives, sans cela, il ne serait pas allé aussi loin, je pense. Le jour où il s'en va, le matin, rien ne laisse penser que ça sera sa dernière journée. Non, moi, au contraire, j'étais en train de faire une promenade, j'ai rencontré des amis, j'ai dit tiens, il y a un déjeuner avec M. Morita de Sony, et donc je dois être à l'heure, alors j'ai rebroussé chemin, et au moment où j'étais dans ma piscine, le maître d'hôtel vient et me dit madame, monsieur, je vous appelle, venez vite. Alors j'étais en train de me laver les cheveux, j'ai mis une éponge autour de mes cheveux, et je viens dans sa chambre, et il me regarde avec ses grands yeux bleus, ses beaux yeux bleus, et je demande aux personnes qui étaient là de me laisser seule. Je viens près de son lit et je lui prends la tête et un verre d'eau à la main pour lui dire bois. Il me regarde, il n'a pas bu bien sûr, il me regarde, il me dit merci et il est mort dans mes bras. Magnifique interview d'Elliette von Karajan par Thierry Geffrotin. Nous assistons là. C'était en 2008, donc pour le 100e anniversaire de la naissance d'Herbert von Karajan. Nous assistons à ses derniers instants. C'était un homme qui faisait beaucoup de yoga et de méditation aussi. Hein. Ah oui, qui prenait soin de son corps. Je pense que vivre avec Herbert von Karajan, c'était non pas entrer en religion, mais une forme d'ascèse quand même. Hein. Il était catholique, il était d'ailleurs assez proche du pape Jean-Paul II. Il avait dirigé à Saint-Pierre de Rome. Oui, c'était un moment difficile parce que là, pour le coup, il est déjà très affaibli, très atteint par la maladie. Parmi ce qui reste, on va dire, de Karajan après sa mort, alors le nombre d'éditions à l'occasion du 100e anniversaire, enfin il y a toutes sortes d'anniversaires et la maison Deutsche Grammophon notamment ne manque pas d'arguments pour publier de nouvelles éditions de tous les enregistrements parce que c'est l'homme des enregistrements. Dans son testament en quelque sorte, il y a la découverte d'un certain nombre de jeunes talents. Il faut revenir là-dessus. Oui, parce qu'on dit toujours moi je hein, à propos d'Herbert von Karajan, l'ambition, mais il avait de l'ambition aussi pour les jeunes, pour les autres. Et pour les jeunes musiciens. La liste est assez longue. Alors évidemment, on citera Anne-Sophie Mutter parce que c'est la violoniste, Sabine Mayer, la clarinettiste, Christa Ludwig, grande chanteuse, Alexis Weissenberg au piano. Hein. Exactement. Donc il s'intéressait absolument à tous les instruments, la voix. Évidemment, mais pas seulement. Et ça, c'est la preuve dans son témoignage. Elliot parle de tout se passer avec amour pour ses enfants et pour sa famille. Mais je pense qu'il transmettait aussi une forme d'amour aux musiciens qu'il prenait sous son aile et dont il a fait la carrière, il faut peut-être bien le dire. Peut-être que l'amour aura été le centre de son inspiration. Il en parle beaucoup dans les interviews. Il y revient presque systématiquement. Alors, on a du mal à croire que Karajan était un homme pudique, parce que cette espèce de figure que nous avons de lui. Mais en effet, je pense que d'une certaine manière, il se protégeait et qu'on peut dire le mot amour sans que ça soit inconvenant avec sa personnalité. À propos d'amour, Thierry, nous allons faire, on va dire, un cadeau de Noël à nos auditeurs. Je vous propose d'entendre cet extraordinaire moment musical. C'est le Isoldes Liebestod, c'est le chant d'amour à mort d'Ise. Et c'est évidemment Jesse Norman qui chante sous la baguette d'Herbert von Karajan. Ryan. Isoldes Liebestod de Richard Wagner par Herbert von Karajan sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, Franck Ferrand. Vous répondrez à la question de Loïc qui s'interroge sur les origines de la bûche de Noël. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et en cette belle après-midi de Noël, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Loïc qui, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, se demande d'où vient la fameuse bûche de Noël. C'est toute une histoire, ça. Depuis le Moyen-Âge, il y avait une tradition qui disait qu'une bûche devait brûler dans la cheminée depuis la veille de Noël, au moins jusqu'au Nouvel An. Cette coutume est l'héritière de divers rituels païens associés au solstice d'hiver, comme tout ce qui a trait à Noël, bien entendu. Brûler la bûche, c'était en quelque sorte se purifier de tous les péchés de l'année. C'était aussi symboliser la lumière apportée au monde par la nativité. La tradition est très précise. Il faudrait théoriquement que la bûche soit d'un arbre fruitier, d'un hêtre ou d'un chêne, qui doit être coupé avant le lever du soleil, être béni à main nue par le chef de famille avant de l'allumer. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de rites à respecter. La bûche doit brûler au moins pendant 3 jours dans la cheminée, d'où le nom de tréfeu ou de tréfouet, ça veut dire les 3 feux, qui lui est donné dans certaines régions. Et si le feu s'éteint avant, ah là, ça veut dire que le démon est passé par là pour attirer le mauvais œil. Donc il faut faire assez attention. Il y a même des gens qui sont dédiés à surveiller le feu dans ces cas-là. Ensuite, la consommation même de la bûche peut donner lieu à toutes sortes de croyances en fonction des étincelles qu'elle peut faire, des ombres qu'elle projette sur le mur, etc. Dans certaines régions où il est moins nécessaire de faire du feu à Noël, la bûche a été évidée, remplie de friandises pour les enfants, etc. Et puis, il faut savoir que dans les grandes maisons, et c'était le cas notamment dans les maisons royales, à partir du XVIIIe siècle, la bûche est peinte et elle est ornée de devise. La tradition de la bûche brûlée dans le feu, à ce moment-là, se met à disparaître au profit d'une bûche décorée, si vous voulez. Quant à la bûche pâtissière que nous allons dévorer, évidemment, dans les jours qui viennent, alors elle ne naît qu'au 19e siècle. Elle fait son apparition dans les pâtisseries parisiennes. Vous savez, c'est une génoise roulée, badigeonnée de crème au beurre. Évidemment, aujourd'hui, il existe des bûches de Noël nettement moins caloriques. En musique, bonjour Marion Ruggieri.